Section 106 de La Lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Lecture, tome 6e. Section 106. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages, par Adolphe Burdeau. Chapitre 4. Une révolte, à la veille d'être ruinée. Marche nocturne. Le lac Tanganyika. Livingstone retrouvé. Retour à la côte. Au lieu de se rendre en droite ligne de Tabora au lac Tanganyika, Stanley fut donc amené, par suite de ces événements, à faire un crochet vers le sud. Il prit la route de Lukunongo, de Lukawendi et de Luha. Mais là, des difficultés nouvelles surgirent sous ses pas, car les pays qu'il eut à traverser étaient des plus barbares et très hostiles aux Européens. De plus, sur les rives du Gombe, une révolte éclata parmi ses hommes. On était au 7 octobre, et quand Stanley donna l'ordre ce jour-là de sonner la trompe du départ, ce fut d'un air maussade, avec des figures renfrognées, que les hommes prirent leur ballot. Ils partirent néanmoins, bien qu'avec une répugnance manifeste. Stanley demeura à l'arrière-garde pour activer les retardataires et les traînards. Au bout d'une demi-heure, il vit la caravane au repos, les bagages à terre, et les hommes, réunis par groupes, s'entretenant et gesticulant d'un air irrité. L'énergie de l'explorateur est connue. Sans hésiter, il enleva son fusil des mains de son porteur d'armes, y glissa deux charges de plomb, ajusta ses revolvers et marcha droit au mutin. De leur côté, ces gens avaient saisi leurs armes, et deux d'entre eux, dont les têtes se voyaient au-dessus d'une fourmilière, avaient le mousquet braqué. Stanley jeta son arme dans le creux de sa main gauche, et les tenant en joue, il les menaça de leur faire sauter la cervelle s'ils ne venaient à l'instant s'expliquer. Devant cette attitude, ils s'avancèrent d'un pas oblique, en affectant de sourire, mais dans leur regard brillait le sombre feu du meurtre. L'un d'eux s'étant glissé derrière Stanley, celui-ci, se retournant vivement, lui mit le canon de son fusil à deux pieds de la figure. Terrifié, le nègre laissa tomber son arme, et Stanley, le repoussant, l'envoya rouler à 10 pas. Puis, se tournant vers l'autre mutin, Asmani, un géant, il lui ordonna de désarmer, et, en disant cela, son doigt pressait la détente de son rifle. Jamais homme n'avait été plus près de la mort. C'est que, bien qu'il soit répugnant de verser le sang, si le voyageur africain hésite un seul instant dans des moments de révolte, c'en est fait de son autorité. Loin d'obéir, Asmani leva le bras pour épauler. Son dernier moment était venu. Lorsque soudain Mabruki, l'ancien serviteur de Speck, s'étant glissé derrière le mutin, fit un bond et lui arracha son mousquet en s'écriant « Malheureux, tu oses viser ton maître ?» Ce fut l'affaire d'un éclair. Et tandis que les deux hommes étaient à genoux devant Stanley en lui demandant grâce, la caravane tout entière, électrisée par l'énergie de l'homme blanc qui lui tenait tête, s'écriait « C'est fini, plus de querelles. Nous allons tous marcher, maître, et nous irons au Grand Lac. » Et nous retrouverons le vieux Monsungu que tu cherches. Note, homme blanc. Fin de la note. L'enthousiasme succéda soudain à la mauvaise humeur. Mais Stanley voulut néanmoins faire un exemple, et les révoltés furent mis à la chaîne. Il leur rendit la liberté plus loin, lorsqu'il fut convaincu de la sincérité de leur repentir. Le 3 novembre, l'expédition croisa une caravane venant d'Ujiji. « Un homme blanc est là-bas, assurait-on. » Stanley tressaillit. « Un homme blanc ? » ?»« Oui. » Comment est-il habillé? Comme vous, maître. Est-il jeune? Non, vieux, il a du poil blanc sur la figure. Plus de doute, c'est Livingstone. Et pourtant, si c'était un autre? Baker, peut-être? Mais Baker n'avait pas la barbe grise. Que n'eût donné Stanley pour avoir un cheval? Car hélas, 8 jours de marche le séparaient encore du lac. 8 jours à travers un pays où il ne pouvait pas faire un pas sans laisser aux mains des moindres chefs le plus clair de ses dernières ressources. Il patienta 2 jours encore, payant des tribus énormes pour pouvoir avancer. Mais enfin, le 5 novembre, après avoir examiné ce qui lui restait d'étoffe et mesuré les hongos vexatoires qu'il allait devoir encore payer, il comprit qu'il fallait prendre une résolution suprême, sous peine d'être ruiné avant que d'arriver au lac. Mais que faire? Essayer de traverser les villages sans payer d'impôts, c'était la lutte, le combat de chaque jour et de chaque heure. C'était s'exposer à être écrasé sous le nombre, à périr en vue du port. Et cependant, tout compte fait, on n'avait plus de quoi continuer à se laisser exploiter de la sorte, pendant les étapes qui restaient à franchir pour atteindre Ujiji. La Providence apparut alors sous les traits de deux nègres de la côte, esclaves en fuite probablement, qui exerçaient les métiers les plus divers dans l'Ouha. Interrogé par Stanley sur le moyen d'éviter de payer les taxes vexatoires qu'imposaient les chefs du pays, nos hommes firent d'abord les étonnés et déclarèrent que c'était impossible. Finalement, pressés de questions, ils avouèrent qu'en marchant nuitamment, dans le plus grand silence, par des sentiers à eux connus, ils répondaient de mener la caravane à Ujiji sans plus avoir à payer un seul mètre d'étoffe d'impôt. Il fallait être dans la situation inextricable où se trouvait Stanley pour se livrer de la sorte à deux indigènes qui pouvaient aisément le trahir et le faire tomber dans une embuscade. Mais le dilemme était posé, il n'avait plus le choix. Et avec son audace habituelle, le hardi voyageur accepta le marché. Les guides demandaient pour salaire 40 mètres d'étoffe. À ce prix, ils s'engageaient sur leur tête à faire sortir l'expédition du village où elle se trouvait et à la conduire en 4 jours à Ujiji sans plus avoir dorénavant aucun ongo à payer. Mais ce, à deux conditions expresses. Le départ sera nocturne et les gens de la caravane observeront le plus complet silence. Il fallait, en un mot, d'abord quitter le village à l'insu des habitants eux-mêmes, en second lieu, contourner les districts voisins sans que personne puisse en douter. Une imprudence, un cri, un rien devait suffire pour ameuter en quelques instants tous les petits sultans frustrés. Alors ce serait l'écrasement final. Ce soir-là, Stanley ne se coucha point. Un peu avant minuit, la lune commençant à paraître, ses gens quittèrent leur campement à pas de loup, par petits groupes de 4 à la fois. À 3 heures, toute la bande était dehors sans avoir causé la moindre alarme. À un coup de sifflet, signal convenu, les guides arrivèrent, et l'on se mit en marche vers le sud, longeant la rive droite du Kanengi. Puis on reprit la direction ouest, à travers la plaine Nerbu. De temps à autre, d'épais nuages répandaient leur ombre sur cette immensité déserte. Et se joignant à ce silence de mort, l'obscurité donnait à la situation un caractère effrayant. Bientôt pourtant, se levant au sein des nuées, la lune déchira ses voiles. Et reine majestueuse jeta sur la nature endormie son manteau argenté d'un éclat sans pareil. Bien qu'ensanglanté par les herbes tranchantes, tous les hommes avançaient bravement, sans murmurer. Enfin, l'aurore parut avec ses sourires, ses heureux présages, et la petite troupe se cantonna sur les rives du Malagarazi pour ne reprendre la marche qu'à la nuit tombante. Fin de la section 106.